وقال الله تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دي Voici donc ma voie, mon sentier. J'appelle à Allah, à la clairvoyance, c'est-à-dire sur la clairvoyance, sur la sagesse, sur le savoir. Moi ainsi que ceux qui me suivent et purifiés sont Allah, je ne suis pas du nombre des mushrikines. فَهَذَا هَذِي آيَا آيَا عَظِيمَ C'est le os de la da'wah. De laquelle on comprend que le da'i, à quoi il appelle ? À Allah. Il n'appelle pas à lui-même. Il n'appelle pas à un hizb. Il n'appelle pas à un shaykh. Il n'appelle pas à une maslaha. Il appelle à Allah. Donc il est sincère. Ara basira. C'est-à-dire avec le savoir. Il n'appelle pas à la jahl. Comme par exemple le font Jamaat al-Tabligh, qui ne savent même pas à quoi ils appellent. Le shirk, le tawhid, c'est pas assimilé chez eux. Eux, demain, tu viens avec eux, dès demain, tu sors, tu parles devant les gens. Une fois, Cheikh avait raconté, ils en avaient attrapé un. Il sortit avec eux, fils Abilillah, comme il l'appelle, soi-disant, Khouj, fils Abilillah. Et il s'est levé. Et là, plutôt, ils lui ont dit, vas-y, parle aux gens. Il a dit, je peux pas, on va parler, je ne connais rien. Il a dit, si, vas-y, parle. Il a conseillé les gens, dis-leur, il ne voulait pas. Il a dit, si, vas-y, faut que tu fasses. Il s'est levé. Il a commencé à parler. Et tellement il était mal, il a pleuré devant tout le monde. Tellement il était mal à l'aise. Ils ont regardé, ils ont dit, ah, subhanallah, regarde, le khushur, regarde l'effet que ça lui fait. Il en pleure tellement, c'est une chose qui est, tu vois. Non, il pleure parce qu'il a peur. Il l'a mis mal à l'aise. Devant tout le monde, il ne sait pas ce qu'il a à dire, rien à dire. Vous les poussez à les parler, d'accord? Et maintenant, ben, les miskines, ils en pleurent. Et eux, ils n'ont rien compris. Hala, c'est pas la basira. Ou des gens qui n'ont pas appris. On va dire qu'ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la science. Dans le sens où, le fond, il les connaît. Al-haq, il y a les fonds. Il sait que c'est cette voie-là qui est la bonne. Il sait que c'est sur la main qui sont les bons. Vous voyez? Il sait, on va dire, d'une vision générale. Mais les détails, c'est-à-dire la façon de faire, les adillah, les masa'il, les usul, tout ça, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il sait que c'est la salafia, par exemple, le haq, mais il ne connaît pas vraiment comment s'y prendre. Et il sort de la da'wa. Comme certains que vous avez vus, voilà, qui sont vulgaires, grossiers, qui disent n'importe quoi. Et ces gens-là, en réalité, détruisent plus qu'ils ne bâtissent. C'est pas des gens comme ça que tu vas devenir sur la droiture. Et au pire, des gens qu'ils ont reconnus et qui ont accepté le haq par leur voix, au bout d'un moment, ils vont les délaisser. Comme beaucoup d'entre nous qui ont connu l'islam au début, certains par les tablir, certains par les soufis, certains par les ikhwan, et le jour où ils ont eu le haq, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé ces gens-là. D'accord? Et on a dit quoi hier dans le ders? Ah, Al-A'mal bimada? Bil-Khawatim. On ne sait pas qu'on regarde au final la personne. Comment il est entré en islam? Ou sur quoi il est mort en islam? Sur quoi il est mort en islam? Donc quelqu'un dit, Masha'Allah, les soufis font da'wah, l'établir, plein de gens en islam. Naam. Mais ces gens-là qui sont avec eux, au final, ils sont avec qui? Ils ne sont plus avec eux. Et s'ils restent avec eux, ils sont égarés. Alors, plein de traits étaient d'établir avant. Mais au final, ils ont connu le haq, ils ont délaissé l'établir, ils sont bien mettant garde contre eux, et... S'ils sont morts, ils sont morts, Inch'Allah, c'est la sunnah, donc c'est ça qu'on prend en compte. On ne regarde pas comment tu es rentré, on regarde sur quoi tu as fini. On regarde sur quoi tu as fini. Et la... On regarde sur quoi tu as fini. Et la guidée, elle est d'Allah, Azzawajal. Elle n'est pas d'établir, elle n'est pas même des salafis ou quoi, elle est d'Allah, Azzawajal. C'est-à-dire qu'Allah a pu le guider, et des gens, ils ont été guidés sans musulmans. Ils n'ont pas connu un tabliri, ni un salafi, ni un ikhwani. Ils ont connu l'islam par la fitra par eux-mêmes. Ils ont été, ça les a attirés, ils sont partis voir. Après, c'est Allah qui ouvre les cœurs aux gens. Quoi qu'il en soit, celui qui fait da'wah, qu'on l'accepte ou pas, il doit faire da'wah bi'in. Les gens, ils prennent, alhamdoulilah, ils prennent pas, c'est pas grave. Au moins, on leur a dit la vérité, les choses clairement. Et ça aurait été quoi? Iqamat al-hujja sur les gens. Si t'as accepté, t'as été guidé. T'as refusé, tu pourras pas dire, je ne savais pas, on t'a dit les choses clairement. Tu diras pas, je n'ai pas, ma ja'ani min nazir. J'ai pas eu d'avertisseur, j'ai eu personne. Si, Quelqu'un t'a appelé, t'a donné les preuves, et tu as su. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La yasma'u minni min hadil umma, ou min ummati, yahoudiyun wa nasraniyun, thumma la yu'minu bima jditu bihi, illa kana min ahli an-nar. » Tu n'as pas entendu parler de moi, genre cette communauté, c'est la communauté de la da'wa, les gens qui ont été envoyés le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit un yahoudi, un nasrani, puis n'a pas cru en moi, sauf qu'il soit parmi les gens du feu. Donc le da'i qui appelle au ilm, si on accepte de lui, tant mieux. Tant mieux pour qui? Pour lui ou pour la personne? En premier lieu, pour la personne. D'accord? Et si on refuse, tu as refusé, au moment tu auras su. Et tu n'auras plus d'excuses. Alors devant un égaré, c'est pour qu'il ne sache pas. Quelqu'un l'appelle l'islam de façon tortueuse, de façon maladroite, ou de façon adulte, tu vois, et ça ne l'a pas attiré. Ça ne m'intéresse pas, cette religion-là. Nous, on pourra dire, elle n'a pas eu comment être hujja, parce que ce qu'on lui a donné, ce n'est pas l'islam haqiqi. Donc s'il a refusé, il pourra avoir une excuse. Mais devant l'alim, devant le da'i, à la basira, il n'en aura pas. Faqala, ana wa man ittaba'ani. C'est-à-dire là, c'est le Nabi qui dit cela. C'est ma voix à moi, et ceux qui m'ont suivi. Donc le vrai suivi du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans la da'wa, c'est avec ilm. Celui qui appelle avec djel, il n'est pas sur sa voix. Il n'est pas sur sa voix. Donc c'est important, celui qui veut faire da'wa, qu'il ait du ilm. Maintenant qu'on dit qu'il fasse du ilm, c'est pas forcément qu'il devient un alim mujtahid. Mais ça, quand il appelle, il met, on va dire, il connaît le sujet, et il sait comment s'y prendre. D'accord? T'as déjà que le sujet, ils ne savent pas comment s'y prendre. Lui, il connaît le sujet, et il sait comment s'y prendre. Comme ça, on est dans le hadith de Mu'az, parce que le Nabi s'en a envoyé aux gens du livre, il va leur dire, « Innaka la takdumu ala qawmin al-kitab. » Tu vas te rendre auprès de gens du livre. Pourquoi il lui a dit ça, il a précisé? Pour que Mu'az sache à qui il va avoir affaire. Tu connais le hal du madrou. Savoir quel usul prendre, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il ne connaît pas. Par exemple, les gens du livre, ils connaissent l'anbiya. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qui est l'autre. Ni Isa, ni Moussa, ils les connaissent. Contrairement à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas, alors tu expliques l'anbiya, qui ils sont, c'est quoi un nabi, c'est quoi un rasoul, c'est quoi un kitab, c'est quoi les malaïkas, c'est quoi les shayatines. Il y en a qui connaissent rien de tout ça. Il y en a qui connaissent. Donc tu sais quoi aborder et quoi éviter. L'autre, tu vois comment t'y prendre. Donc le da'i, il prend en compte son auditoire. D'accord? Il prend en compte son auditoire. Par exemple, demain, tu ne vas pas appeler Kazalik un athée comme tu vas aller appeler j'en sais rien, moi, un bouddhiste. Les deux, c'est des mouchilekoun, des koufars. Mais ils sont sur deux choses différentes. Et Kazalik, quand on a parlé la dernière fois, appeler les gens du livre, d'accord? Comme cela va venir dans le hadith de Mu'az, an yuwahidullah, c'est l'appeler au tawhid. C'est pas débattre que son livre, il est faux. C'est l'appeler au tawhid. Quand on l'appelle au tawhid, il va comprendre, il saura de lui-même que son livre, il est faux. On l'a expliqué la dernière fois. Alors, si l'appelle que son livre, il est faux, on pourra dire, c'est vrai, t'as raison, et j'ai pas peur que ton livre, il est vrai à toi non plus maintenant. Et après, il laisse tout. Il dit, ni Coran, ni Injil, ni Torah, ni Sheikh. Voilà, c'est Koutoub. Voilà, je me fais mon truc moi-même. Donc, appelle dès le début à la chose qui est censée pour lui. C'est ça. A da'wa, il est shahadat, a la ilaha illallah. C'est ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il partait au djihad, il appelle les gens à quoi? À ça en premier lieu. C'est la chose la plus importante. Mais tu y appelles comment?